complice. Oui, c'est toi l'artiste. Non, je ne suis pas triste, une voix de cantatrice. Tentatrice, pas de canal bis. Si je reste triste, je ne suis pas dans ma matrice. Aucune pratique, oui, je dirige au flic. Je ne trouve pas ça si qu'il me vole mon cycle. Qui indique, il veut que ma dique, ce que je lui indique, alors qu'il plante ma dique. Marie-Jeanne, calme donc les sadiques qui veulent te péter sans jamais te faire tourner. Quelle toupée, j'ai tout prêt, je vais fumer, m'étouffer, m'engouffrer dans ces pièces, il faut que j'en payerai les prêts. Où sont les restes? On verra après, parce qu'on est plus à ça après. Le bilan sacré, les relations massacrées, ouais, tous massacrés par les gros mots craqués. Salaud donc les frères qui finiront m'attraquer. On me reproche d'être trop pessimiste, moi j'appelle ça être réaliste. Les merdes que je te raconte te saoulent, dommage qu'on ait la liste. Moi je te parle de barre, je te passe ton patatin. Moi je te parle de la peur quand rugit le premier pas. 18ème, 19ème, 20ème et toutes les banlieues. Arrêtons de comparer tous les enjeux et faisons des envieux de Sartrouville jusqu'à Cage. Les connaissent, leur réput de s'approfie, mais tous ces cages les connais. Bah ben ouais, traités comme des sauvages par chacun de leurs ministères. L'heure n'est pas à se taire, faut rendre la monnaie de leur pierre. Donc assez qu'ils se plaignent sans cesse de tout en se faire qu'il y a cessé. Tellement peu de choses face à ce qu'ils nous ont fait dans le passé. Monsieur Brigadier des chefs ne fait que son métier. Je ferai de même dans le rap en lui disant va te faire enculer. Pour tous leurs coups de putain, quand t'es seul et que tes potes feintent. Enfin on paye pas de pot de vin, quitte à manger des coups de potin. Y'a pas de potin pour les gays ou youth. Y'a pas de putain pour les potos, sauf pour tous ceux qui se mettent au boots. Tout le monde a peur de critiquer le gouvernement. Mais moi je le fais de rabaisse et le baisse et le baisse ouvertement. Quitte à pas, c'est pour un singe illettré. Il s'accroche au micro avec mon crew. On défend tous nos propos d'une manière claire. Ai-je l'air d'un psychopathe? Non, je claque le rythme, éclate le beat à chaque moment. Je me fous pas mal de choses, mais à vrai dire j'aime quand c'est carré. Attention de ne pas s'écarter, on finit toujours par séparer au combat. Te trompe pas, ne tombe pas, pas trompe pas. Dans leur troupeau, trop la peau du pot, trop pas. J'parle, j'rappe, pour toi, moi, mais surtout contre eux. Car tu départ, tu vas le contraire, agir en traite. J'peux me casser, ça serait facile. Mais où est le but? Buté, abusé, j'reste un fils de pute, usé. Et très loin du bout, à mi-chemin dans la mouise. Ça me fait chier, la chemise trop tard, les putains de chaînes sont mises. Pas question de rester soumis, mais j'ai l'impression que c'est la tendance. Alors en attendant, dans l'enclos, reclus, pensant, tentant de trouver une solution. Mais perdant d'avance, âme de France, pense en âme, merde, c'est décevant. Plus de goût d'humain qui pense. Qu'il est tout humain, mais pas question de lâcher quand c'est pas gagné, c'est ce que je pense du moins. Aïe, c'est ce que je pense. Sors du métal, mon déclic peut-être fatal. J'me faufile sans pit, c'est de la balle qui vient de la dalle. Serre ton tête, si t'as mal dans le battle, on m'appelle. Quand j'sors du canal, c'est pour faire ta teuf. Banal, en apparence, j'vois trop de types marrants. J'finis souvent dans les tripes des balances. J'voyage dans les balcons, sniper du balcon, vu balcon quand j'sors, mec, t'as pas le temps. Assis au parié, une pinouse, j'ai parié. On se cotise dans ce vice qui nous a lié. Sur ta tombe, j'entends tous tes battements de cœur, partout du sac ou pas. La sentence ma rancœur. Le soir, la vue de baiser. J'creuse des tombes ici. Sors de l'ombre avec l'envie de baiser. Écoute mon récit, j'viens t'apaiser. Traché précis dans ta tête, est-ce que t'as saisi? Faut qu'on avance sans se faire flasher. On passe du chenasse de lance-grenade. Les gangrenards, car l'instru 5, ça c'est mon kiff dans cet engrenage. À gangrenard, c'est des VK. Et sur ma feuille, mon encre latte. La vérité qu'a dans le peurail. Y'en a beaucoup qui rentrent là. On range les armes, mais faut faire vite. Dans ce monde sur le pitch, y'a le feu au pouce. Trop de cicatrices, faut qu'on s'active. C'est pas la gloire qui est à notre trousse. Dans tous les cas, faut que j'laisse ma marque. On place mon rap dans les annales. Y'en a marre, j'darque les armes. Je pas arma, faut que les armes marchent, passe à tabac avec faut que je suis l'instru. Les jeunes vaches sur les filles matures. Madame, c'est la pagaille dans tous les coins, ça sent la pilature. Pas petite nature, mais on nous traite tout comme des parasites. Dans ce monde où c'est les keufs qui nous harcèlent, fallait pas paradis, pas de ça ici. C'est le bordel, ça sent piquer la patte, nique les piquer la patte. Y'a d'un vodka sur le pit et la passe.